Dieu. Pas besoin de katana. Pas le bras long, man, pas de galon. L'estomac dans les talons. Balance-moi une prod qui détale que je vienne croquer les talons. Ne me parle pas de ta langue, car je ne parle pas ta langue. Si c'est pour la prostituée, va faire carrière en Thaïlande. Ok, je te parle zek, je te parle cash loco. Je le suis dans ma tête, mais ça fait pas de moi un bad guy trop. D'MC clash et s'invente une life ghetto. Moi je baille quand je les écoute. Eh, hey, dis-moi c'est quoi les bails, poto. Je bosse dans mon coin, non, je suis pas le boss, c'est encore moins. Tu parles de potes qui lèvent leur joint, je parle de gosses qui crèvent la faim. Les thèmes sont pas les mêmes, ça me gêne pas, mais t'as rien, man, j't'amène. De la boucherie, sorry pour les végétariens. T'as des rimes techniques catalanes, tu passes du coq à l'âne. Tu déchires dans la forme, et dans le fond t'es juste du coq à l'aise. C'est quoi ce fleuret, tu fais de l'escrime, moi je te casse ta lame. J'ai les crocs assez larges, pas besoin de cash. J'ai pas le flow US, style made in America. Fidèle à mon complexe, AMAEO. Tu verras qu'un côté de ma veste, je le garantis. Désolé si je te vexe, mais c'est pas par galanterie. J'ai pas le flow US, style made in America. Fidèle à mon complexe, AMAEO. Tu verras qu'un côté de ma veste, je le garantis, gars. Désolé si je te vexe, mais c'est pas par galanterie. Je préfère un rappeur engagé qui se perd dans une cause désespérée qu'un rageux qui espère monter avec un rap dépoussiéré. Je veux voir les coudes serrés et pas de coudes serrés entre les côtes. Je veux voir les crews céder, pas de coudes putain entre les potes. Il faut que l'esprit pop renaisse et s'élargisse, fils. Il faut qu'on s'unisse, qu'ils sachent qu'ils peuvent nous écouter sans risque. Qu'on dissocie le vrai du faux et qu'on apprenne au môme. Tu me verras pas traîner du côté des majors pour faire le môme. Crois pas que je tape une chaude, taquée en scratch. J'ai pas de barrière, j'avance à pas doux et mes appâts t'attirent dans ma tanière. Discret donc c'est normal si tu me connaissais pas hier. C'est juste qu'aujourd'hui je me suis réveillé d'humeur incendiaire. J'ai pas le flow US, style made in America. Fidèle à mon complexe, AMAEO. Tu verras qu'un côté de ma veste, je le garantis, gars. Désolé si je te vexe, mais c'est pas par galanterie. J'ai pas le flow US, style made in America. Fidèle à mon complexe, AMAEO. Tu verras qu'un côté de ma veste, je le garantis, gars. Désolé si je te vexe, mais c'est pas par galanterie.